السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، on continue avec les piliers de la foi et nous sommes arrivés au deuxième pilier qui est donc Al-Iman bil Malaika. Al-Iman bil Malaika. Al-Malaika, hum, yani, alamul ghaybi, makhlouquna min nur, abiduna lillahi ta'ala. Les anges, donc, proviennent d'un monde invisible. Ils sont créés de lumière et ils adorent Allah ta'ala. وليس للملائكة من خصائص الربوبية والألوهية شيء. Donc les anges n'ont pas dans la spécificité de Rububiya, donc la seigneurie, et ni la divinité. Donc ils n'ont aucune caractéristique dans le domaine de la seigneurie et dans le domaine de la divinité. وَقَدْ مَنْحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْقِيَادَ التَّامَ لِأَمْرِهِ وَالْقُوَّةَ عَلَى تَنْفِيذِهِ. Et Allah Azza wa Jalla leur a octroyé donc la dévotion totale, la dévotion, la soumission et l'obéissance totale dans ce qu'il leur ordonne. Et ils ont la capacité d'appliquer ce qu'il leur est ordonné. Et Allah dit, en mentionnant les malaïka, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Donc il y a lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillent pas dans le fait de l'adorer et ni se lassent. Et ici, مَنْ عِنْدَهُ, c'est une preuve que Allah Azza wa Jalla n'est pas fi kulli makan. C'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas donc partout. Car on a dit ceux qui sont auprès de lui. Si Allah était partout, donc tout le monde serait auprès de lui. Et tout serait auprès de lui. Yusabbihuna al-layla wa al-nahara la yaftarun. Wa la yaftarun. Il glorifie la louange d'Allah de nuit comme de jour et ne s'arrête pas. Al-Anbiya. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mais ce sont des serviteurs nobles. Ils ne le devancent pas dans la parole et œuvrent dans ce qui leur a été ordonné. Al-Iman bihim. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان ومعنى ذلك التصديق الجازم بأن الله تعالى ملائكة موجودين مخلوقين من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc le معنى le sens. Donc la croyance aux anges est le deuxième pied de la croyance. Et le vouloir dire de cela, c'est de croire et de reconnaître cela véridique, non, fermement, de reconnaître fermement la véracité qu'Allah Azza wa Jalla donc possède des anges qui sont réellement, donc qui existent et qui sont créés de lumière. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné et ils font ce qui leur a été ordonné. Adillatu wujub al-iman bihim, les preuves de l'obligation de croire en eux. Qawlu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhim min rabbih. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. L'envoyé a cru en ce qu'Allah, donc à ce qui a été descendu de la part de son Seigneur. Et les croyants tous croient en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses envoyés. Wa qawluhu ta'ala laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin. La piété n'est pas le fait de tourner vos visages vers l'Orient et vers l'Occident. Mais la piété consiste à croire en Allah et au jour dernier et aux anges et aux livres, Al-Kitab, le Coran, et aux envoyés. Et aux livres, Al-Kitab, même si c'est venu Mufras, c'est aussi Bimana Al-Jama. C'est venu de coup singulier, mais aussi ça a le sens de tous les livres. Et si on voit ici donc les cinq piliers de la foi, cinq qui sont mentionnés ensemble. وأوجب سبحانه وتعالى الإيمان بهذه الأمور وكفر من جحدها بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء. الله عز وجل nous a ordonné et rendu obligatoire la croyance en cela et a rendu mécréant celui qui renie cela. Et Allah dit, et celui qui mécroit en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses envoyés et au jour dernier, c'est donc égaré d'un égarement lointain. Alaykoum salam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jawaban li Jibril haynama sa'alahu 'an al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Sahih rawahu Muslim. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril le questionne sur la foi, et qu'il réponde alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cela consiste à ce que tu crois en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses envoyés au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Ja'ala sallallahu alayhi wa sallam al-iman, huwa al-iman bi-jumlatin, ou bi-jumlatin ma-dhukir. Donc la foi est la foi en dans la globalité de ce qui a été mentionné. Wal iman bil malaika ba'd dhalik. C'est-à-dire que ici la croyance aux anges fait partie et est une partie donc de toute cette croyance là. Fa wujuduhum thabitun bid dalil qat'i wa inkaruhum kufrun bi ijma' al muslimin. Leur existence est prouvée dans des preuves, donc des nos sources et des textes clairs qui sont donc sans équivoque. Et renier les anges est de la mécréance et cela est dans, par le consensus des musulmans. Et anna adam al-iman bihim takdhibun lis-sarih al-Qur'an wa sunnah. Car le fait de ne pas croire en eux, c'est donc mentir et c'est le fait de mentir sur ce qui est clair dans le corps et dans la sunna. وما يتضمنه الايمان بالملائكه من امور. Et que comprend et ce que comprend ici la croyance aux anges. Il y a ici donc quatre points. Arba'atu umur. اولا الايمان بوجودهم. On doit croire en leur existence. ثانيا الايمان بمن علمنا اسمه منهم اي باسمه علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم اجمالا. Nous devons croire dans ce qui nous a été donc mentionné parmi les noms et parmi les noms donc Jibril et ceux dont les noms n'ont pas été mentionnés, on croit en eux de façon générale. ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم. La croyance en ce qui nous a été appris, rapporté parmi leurs caractéristiques. فصفات جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح وقد سد الأفق. Comme Jibril عليه الصلاة والسلام, dans sa description, النبي صلى الله عليه وسلم l'a vu dans son sa vraie apparence, donc son apparence naturelle, originelle. Et il possède 600 ailes, 600 ailes, qui ont bien sûr donc couvert l'horizon. وقد يتحول الملك إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل في حديث سؤال عن الإيمان والإسلام السابق. Et il peut prendre l'apparence de l'homme. Donc l'ange peut changer d'apparence et prendre l'apparence de l'homme, comme il est arrivé à Jibril, à alayhi salam, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi et l'islam. Quatrièmement, rabi'an, al-iman bima 'allimna min a'malihim allati yaqumuna biha min amrillahi fa tasbihihi wa ta'abbudi lahu laylan wa nahara. La croyance en ce qui nous a été appris parmi leurs actes, donc croire en leurs actes qu'ils font, et dont ce dont Allah Azza wa Jalla leur a ordonné, comme le fait de le glorifier subhanahu wa ta'ala, et de l'adorer nuit et jour. فإن الملائكة مجبرون على طاعة الله ليس لديهم القدرة على العصيان. Car les anges, Allah Azza wa Jalla donc les a créés de cette nature. Il les a créés de la nature à ce qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla et qu'ils n'ont pas donc de capacité de le désobéir. Allah les a créés à l'obéissance et ils ne désobéissent pas. C'est pour ça qu'Allah dit لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne et ils font ce qui leur a été ordonné. Car فتركهم للمعصية وفعل المطاعة جبلة لا يكلفهم أدنى المجاهدة لأنهم لا شهوة لهم. Leur délaissement du péché et le fait qu'ils œuvrent et qu'ils obéissent et leur obéissance est naturelle. Ils ont été créés comme cela. Et donc ils n'ont pas ici de, ce n'est pas comme nous, c'est une certaine responsabilité. Nous, c'est quoi? C'est un taklif. C'est une responsabilité qu'on doit faire. Ils n'ont pas cela, ils n'ont aucun effort à faire par rapport à cela. Car ils n'ont pas de passion. Et on sait que la passion c'est un mani pour adorer. La passion, la shahwa, c'est quoi? C'est un empêchement à l'adoration. C'est une barrière. Et certains anges ont et possèdent donc font certaines œuvres, comme Jibril, Al-Amin, على وحي الله عز وجل يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل فقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Comme Jibril Al-Amin, respectueux du dépôt, personne de confiance, cloche de confiance, Allah donc lui a donné la responsabilité de quoi? D'apporter donc le wahi, la révélation. Il les envoie vers ses prophètes et ses envoyés. C'est pour ça qu'Allah dit, il descend avec, donc, roh, l'âme de confiance. Roh al-Amin, c'est Jibril, alayhi salam. Sur ton cœur, afin que tu fasses partie des avertisseurs. Surat al-Shu'ara, 194. Waminhum, Mika'il, al-Mu'akkal, bil-Qatar, ay, bil-Matar wal-Nabat. Mikaël, l'ange des montagnes. Ça, là, c'est qui Mikaël? C'est lui qui est responsable de quoi? De ce qui pousse et de l'eau qui descend du ciel. De l'eau qui descend de ces nuages. وكذلك المتوكل بالسور وهو إسرافيل أو بالسور عفوا بالسور وهو إسرافيل عليه السلام وهو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى نفختين، نفخة يفزع الناس عند سماعها ثم يصعقون، ونفخة ثانية نفخة بحث كما قال تعالى ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الزمر 68. Et parmi les anges, donc celui qui a la responsabilité de souffler sur la trompe, et il se nomme Israfil, alayhi salam. Et c'est lui qui souffle après l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il souffle deux fois sur la trompe. Une fois où les gens vont avoir l'effroi lorsqu'ils vont entendre ce souffle. Hein? Et la deuxième fois, il va souffler et les gens vont être, donc ils vont mourir. Et la deuxième fois, ils vont quoi ? Être ressuscités. Et on a soufflé sur la trompe. Et les gens donc ont péri. Ceux qui sont sur la terre ont péri. Sauf ceux dont Allah voudrait qu'ils restent. Et puis, on soufflera une deuxième fois, une autre fois. Et ils se lèveront et regarderont. Et regarderont. Alors que la bouche, la trompe est déjà sur la bouche de l'ange, et il attend quoi ? L'ordre. Et il attend l'ordre. C'est pour ça qu'un Nabi, donc, il disait comment je vais grâcer, comment je vais donc profiter des grâces, alors que l'ange a déjà donc posé sa bouche sur la trompe. Et parmi eux, Al-Muwakkal bi Qabd al-Arwah, wa huwa Malak al-Maut. Lui est ce qu'il est, donc celui qui a la responsabilité de reprendre l'âme. On l'appelle Malak al-Maut. Il n'est pas seul. Il est donc celui qui prend l'âme et le donne aux anges qui après montent avec au ciel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre les versets. Les trois versets. Les gens pensent qu'ici il y a une contradiction dans le Coran. Non. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة السجدة 11. Dis, l'ange de la mort vous prend la mort, il ne vous tue pas parce que c'est Allah qui est convaincu et tawafa. Mais il reprend l'âme. Celui qui a la fonction de retirer l'âme, celui qui a été donc amené pour vous, et puis vous allez revenir vers votre Seigneur. Et certains jouent avec ce verset en disant que regardez, c'est l'ange ici qui tue la personne. Et que c'est pas Allah. Non, c'est Allah Azza wa Jalla qui reprend la vie. Mais il envoie l'ange qui fait ce travail. Parce que c'est lui qui va toucher cette âme qui va la récupérer pour qu'il y ait donc cette mort. Mais, c'est bien sûr par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum khazanatul janna. Minhum khazanatul jannah. Parmi eux, donc, ceux qui sont les gardiens du paradis. Et vous connaissez donc sûrement ce verset, dans le Zumar, verset 73. وَسِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى جَنَّةِ زُمَرًا. Ils seront donc, entreront donc, ceux qui ont craint leur Seigneur vers le paradis en groupe. Et donc, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Et lorsqu'ils arriveront, leurs portes, les portes du paradis, leur seront ouvertes, et donc le gardien du paradis leur dira paix à vous, paix sur vous. Donc vous êtes septum, vous êtes devenu bien, et entrez, donc entrez-y, en y demeurant, donc éternellement. Entrez-y. Salamun alaykum. Wa minhum khazanatul jahannam, khazanatul jahannam. Donc les gardiens de jahannam, de l'enfer. Et on les appelle Az-Zabaniya, on les appelle Az-Zabaniya. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَ. Et nous n'avons pas donc placé donc les personnes du feu, أَصْحَابُ النَّارِ, ceux qui seront proches du feu, ce n'est pas les gens qui sont dans le feu, mais ceux qui surveillent ce feu, que des anges. Nous n'avons placé que des anges ici. وَمِنْهُمْ أَلْمُوَكَّرُونَ بِحِبْدِ الْعَبْدِ فِي جَمِيعَ أَحْوَالِهِ وَهُمْ الْمُعَقِّبَاتِ كما قال تعالى له معقبات من بين أيديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. رعد 11 verset 11. Ceux qui sont là pour surveiller et protéger, plutôt protéger le serviteur dans toutes ces situations et dans tous ces cas, on les appelle les معقبات. Donc il a les معقبات qui sont entre ses mains et qui sont derrière lui, il le protège par ordre d'Allah. Il le protège par ordre d'Allah. Ra'd. Et Allah dit « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا » C'est lui le dominateur au-dessus de ses serviteurs et il leur envoie des protecteurs. Il leur envoie des protecteurs. Al-An'am. Sahih, que cette fois on a réussi à éviter des choses. Généralement on les évite plus que qu'on tombe dans ces choses-là. وَمِنْهُمْ الْمَلَائِكَ الْمُوَكَّلُونَ بِالْأَجْنِحَ عَفْوًا بِالْأَجِنَّ فِي الْأَرْحَامِ اسْتَمَّ لِلْإِنْسَانِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ. Les anges qui ont la responsabilité donc de venir dans les matrices, c'est-à-dire qu'ils viennent donc insuffler cette roh donc apporter dans les matrices une fois que la personne est enceinte de 4 mois. 120 jours. Et il vient bien sûr donc mentionner les quatre choses. Il vient donc mentionner les quatre choses face au destin. Son risque, sa subsistance, son ajaluhu, donc son temps déterminé, amaluhu, donc ses œuvres, heureux ou bien heureux. Comme a été rapporté dans ce hadith rapporté par Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Et parmi eux, al-mu'akkaluna bis-su'al al-mayyit idha udi'a fi qabrihi 'an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Et parmi eux, ceux qui ont été, donc ceux qui ont la responsabilité de questionner le défunt dans sa tombe, ils le questionnent sur son seigneur, sur sa religion et sur son envoyé. On les appelle comment? Les anges? Pourquoi? Non, mais pourquoi ils s'appellent comme ça, leur nom? Car ils viennent avec une apparence inconnue. C'est pour ça que c'est Munkir ou Nakir. Ils sont de quelle couleur? Noir et bleu. Azrakan, Aswadan. Noir et bleu. Non, noir et bleu. D'accord? Azrakan, Aswadan. On les appelle comme ça parce qu'ils sont inconnus. Mais Nakira. Et parmi donc leur relation avec le Bachar, وَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَلَائِكَ بِأَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ وَمِنْهَا الْإِنسَانِ فَلَهُمْ يَنِي عَلَاقَةٌ وَثِيقَةٌ بِهِ مِنْ حِنْ كَوْنِهِ نُطْفَى. Allah Azza wa Jalla a fait que les anges ont des relations avec nous. Et cette relation commence à partir de lorsqu'on est juste نُطْفَى, donc un morceau. Juste un morceau de chair, ça, dans la matrice. وَذَكَرَ هَذِهِ الْعَلَاقَةَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِغَاثَةَ الْعَفَانِ فَقَالَ فَإِنَّهُمْ مُؤَكَّلُونَ بِتَخْلِيقِهِ أَيْ الْإِنْسَانِ وَنَقْلِهِ مِنْ طُورِ إِلَى طُورِ. Donc il dit, ابن القيم رحمه الله, ils ont la responsabilité donc de le créer, de تخليقه, donc de sa création, c'est-à-dire l'homme. Donc de changer ça, donc sa silhouette, étape par étape. وتصويره, et de le façonner. وحفظه في أطباق الظلمات الثلاثة, et le protéger dans les trois ténèbres, dans le sens où les trois endroits où il y a les trois, donc quoi? Ténèbres. Wa kitabat rizqihi wa amalihi. Et écrire son risque, sa subsistance et son et ses actes. Wa ajalihi wa shakawatihi wa sa'adatihi. Son temps déterminé, est-ce qu'il sera malheureux ou est-ce qu'il sera bienheureux? Wa mulazamatihi fi jami' ahwalihi. Et il sera avec dans toutes ces situations. Wa ihsa'i aqwalihi wa af'alihi. Et qui va noter, bien sûr, qu'il va donc répertorier toutes ses paroles et tous ses actes. Wa hifdhihi fi hayatihi. Et il le protège dans sa vie. Wa qabdi ruhihi inda wafatihi. Et il reprend sa mort, il reprend donc son ruh, son âme, lors de sa mort. La différence entre nefs et ruh, c'est que nefs, c'est ruh à l'intérieur du corps. Et lorsqu'on mentionne ruh, c'est parce qu'il est sorti du corps. Sinon, que lorsque le ruh est à l'intérieur, on l'appelle un nefs. Lorsqu'il est à l'extérieur, on l'appelle un ruh. Et qui va apporter, parce qu'après les anges montent, Malik al-Maut, lui son travail c'est quoi? C'est de prendre l'âme et de le poser sur le linceul qui est tenu par les autres anges, et eux ils montent au premier ciel. Et à chaque ciel, donc, on questionne qui est-il? Un tel fils d'un tel, si c'est un bon croyant, donc bienvenue, bonne âme, et donc je te réjouis toi de ceci, de cela, tout ça ce qu'il arrive, donc, fil jannah. Donc ils montent auprès de leur Seigneur. Et de celui qui l'a créé, son créateur, et celui qui l'a façonné. Ils se sont eux qui ont encore une fois aussi la responsabilité, et ils ont statut de quoi donc de le châtier ou de le gracier dans le monde de la tombe, El Barzakh. Après El Bath. Et aussi après le Bath, c'est-à-dire après la résurrection du jour dernier. Donc c'est aussi eux qui vont, donc qui sont aussi, qui ont la responsabilité, donc c'est-à-dire de s'occuper de ce qui va, donc les gracier, de ce qui va aussi les châtier. Donc on comprend qu'ils sont, on voit après cela qu'ils sont, ils nous accompagnent. Donc ils nous accompagnent tout le temps. Walil malaika alaqatun bil mu'minin fahum al mathbutun yani lil 'abdi al mu'min bi idhnillah. Ils ont des relations avec le croyant. Et ils renferment le croyant bi idhnillah. Wal mu'allimuna lahu ma yanfa'uhu wal muqatiluna dhabbuna 'anhu. C'est eux qui leur enseignent ce qui leur sera profitable. Et aussi, ce sont aussi ceux qui combattent ceux qui seraient donc contre cela. Wahum awliya'uhu fil dunya wa fil akhira. Et ce sont ses alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wahum alladina ya'idunahum bi khair. Et ce sont eux aussi qui les donc promettent les biens. Wa ya'idunahu ilayhi. Ils préviennent contre le mal. Ils interdisent le mal, ils les préviennent contre le mal. Ce sont ses alliés et aussi ceux qui les font vaincre. C'est eux qui les protègent, c'est eux qui leur enseignent. Ils conseillent. Ils l'appellent au bien. Et ils demandent pardon à Allah pour eux. Et ils prient sur eux tant qu'ils sont en train d'adorer leur Seigneur. Et ils prient sur lui tant qu'il enseigne le bien aux gens. Et ils lui annoncent la bonne nouvelle des grâces d'Allah Azza wa Jal. Il dit, fi manamihi, dans son rêve. Wa inda mawtihi, au moment de sa mort. Wa yawm al-ba'thihi, lorsqu'il sera donc ressuscité. Wa hum al-ladina yajudunahu fi dunya wa yarghabunahu fi al-akhirah. C'est eux qui lui demandent de délaisser la dunya, la vie d'ici-bas, et qui lui donnent donc l'envie qui est forte pour l'au-delà. Ce sont eux qui le rappellent lorsqu'il oublie. Et ils lui donnent donc cette ferveur lorsqu'il devient fainéant. Lorsqu'il commence à délaisser, il lui donne une chance. Lorsqu'il a une peur, un effroi, il le raffermisse. وهم الذين يسعون في مصالح دنياه واخرته. Et ce sont eux qui donc font les efforts afin de lui faire profiter donc des biens, des bénéfices de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Donc on voit quoi? On voit que leurs œuvres sont contraires de qui? Des shayatin, falala, totalement. في حين أنهم لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم وينزلون بهم العذاب بأمر الله ويلعنونهم فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده. Donc ils n'aiment pas la mécréance, les mécréants, les injustes, les pervers. Et ils sont en animosité, en adversité avec ceux-là. Ils les combattent. Et ils descendent donc la frayeur et l'effroi dans leur cœur. Et ils descendent sur eux le châtiment par ordre d'Allah. Ils les maudissent. Et ce sont les envoyés d'Allah sur ces créatures. Et ce sont eux qui sont donc les soufara ou c'est-à-dire donc. Les ambassadeurs d'Allah, c'est entre Allah et ses serviteurs, il y a les ambassadeurs. تَتَنَزَّلُ بِالْأَمْرِ مِنْ عِدِّهِ فِي أَقْطَارِ الْعَالَمِ. Elles descendent par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, donc partout dans le monde. وَتَسْعَدُ إِلَهِ بِالْأَمْرِ. Elles remontent vers lui, toujours par l'ordre. وَأَدِلَّةُ كُلِّ مَا يعني ذكر من القرآن والسنة إلى طول المقام بذكرها وهي معروفة مشتهرة وقد سبق ذكر بعدها. Et les preuves en cela donc sont énormes dans le Coran et la Sunna. Et comme il dit donc ici, donc par rapport au livre, donc il a pas voulu faire un livre qui serait très long pour donner toutes les preuves par rapport à cela. ثمرات الإيمان بالملائكة. Quels sont les fruits de la croyance aux anges? أولا العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه. La science de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa force, et que celui qui gouverne tout cela et qui domine et prédomine tout cela. فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. Car déjà la grandeur de la créature prouve la grandeur du créateur. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est grand. Le soleil, la lune, les montagnes, la mer, les océans, les gens, les personnes. Cela prouve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, shukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Remercier et être connaissant envers Allah Azza wa Jal pour le soin qu'il a porté au fils d'Adam. حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Car il a placé donc des suppléants, des gens qui vont donc avoir la responsabilité, et que ce sont les anges, pour surveiller ces personnes-là, pour écrire leurs œuvres et autres parmi les bénéfices de cela. ثالثاً, parmi les fruits de cela, محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. Aimer les anges, car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ça, ils nous aiment avec toutes les duas qu'ils font pour nous et l'akhiri. Ils nous aiment que lorsque on œuvre comme il le faut, ils s'empressent à l'écrire. Et voire même des fois dans certaines œuvres, certains se concurrencent, qui de eux va l'écrire? Tandis que quand c'est les Seyyiat, il y a combien d'heures? 6 heures entre le fait que tu l'as, entre au moment où tu l'as fait et lorsque ça sera écrit. Ça, c'est une rahma. C'est une miséricorde. Rukn thalith, al-imanu bil-kutub. Al-imanu bil-kutub. La croyance au livre. والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. Ce sont les livres dont Allah a descendu sur ses envoyés par miséricorde envers la communauté et envers la créature et par guider afin qu'ils arrivent à travers, et qu'ils atteignent à travers ces livres, le bonheur de la, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa ma'na at-tasdiqu al-jazim bi anna Allah ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi ila ibadihi bil haqq al-mubin. De croire et de considérer cela comme, donc, fermement comme véridique. Donc on doit avoir la croyance ferme comme quoi cela est véridique, et qu'Allah Azza wa Jal a descendu des livres sur ses prophètes, sur, hein, donc sur ses envoyés. Afin qu'ils les annoncent en ses serviteurs, et que ces livres sont d'une vérité donc clairvoyante. Wa annaha kalamullah, et que ces livres sont la parole d'Allah Azza wa Jal, takallama biha haqiqatan. Il a réellement parlé à travers ces livres. كَمَا شَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَرَادَ. Comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. Donc il a fait comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. الْأَدِلَّ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْكُتُبِ. L'épreuve qu'il est obligatoire de croire au livre. قُولُ أَمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc dites, nous croyons en Allah, dans ce qui a été descendu donc sur nous, et ce qui a été descendu à Ibrahim, et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Yaqub, et à Asbat, et ce qui a été amené à Moussa, et à Isa, et ce qui a été donc donné à Moussa, et à Isa, et ce qui a été donné aux prophètes, de la part de leur Seigneur, nous ne faisons pas de différence entre eux, sur aucun d'entre eux, et nous lui sommes soumis. La différence ici, c'est dans le sens que tous proviennent de la part de leur Seigneur. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Ici, lorsqu'on parle de différence, c'est pas par rapport au fadl, c'est pas par rapport au bienfait, ou la suprématie de l'un des prophètes par rapport aux autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, est le meilleur des prophètes. Ici, quand on dit, on ne fait pas de différence, dans le sens que tous proviennent de la part de notre Seigneur. Ce sont tous des envoyés. Mais, comme on l'a dit, donc certains ont une fonction plus importante que d'autres. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُؤْمِنُوا بِهِ وَبِمَا أَنزَلَ عَلَيْهِمْ بِوَصِيفَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Et certes, Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants de croire en lui et de ce qu'il a descendu avec, et de croire donc ce qu'il a descendu par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le Saint-Coran. وَيُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَى النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ انْقِيَادًا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَصْدِيقًا بِخَبَرِهِ. Il croit en ce qu'Allah a descendu en ses prophètes, donc que tout cela a été descendu sur ses prophètes, donc de la part de leur Seigneur, ils croient en cela, sans faire la différence entre l'un d'entre eux. En se soumettant à Allah, ça c'est pour se soumettre à Allah, Azzawajal, et en croyant, et en disant que cela est véridique, en disant que ces annonces-là, ce que Allah nous a annoncé, tout cela est donc est réellement vrai. C'est réel. Et Allah dit, et le verset on l'a vu auparavant, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. Donc ici le témoin argumentatif c'est وكتبه. Une version on l'a vu auparavant. اشتملت الآية الكريمة على بيان صفة الإيمان، صفة إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبيان ما أمروا به من الإيمان بالله تعالى وبالملائكة وبالكتب. Donc ce verset comprend, donc il montre les caractéristiques donc de la croyance au prophète ici et des croyants, et qu'il montre ici donc qu'ils croient en ce qui leur a été ordonné en croyant en Allah, aux anges, aux livres. Donc ici bien sûr le témoin c'est le livre. Et d'autres versets que l'on a vu auparavant donc montre cela. Et toujours par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith Jibril. C'est le hadith donc Jibril. Et Allah subhanahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que croire au livre fait partie de piliers de la foi. Fait partie des piliers de la foi. Et qu'est-ce que comprend donc la foi au livre? Elle comprend quatre choses. On a vu auparavant que croyant aux anges aussi ça comprenait quatre choses. Awalan, al-imanu bi anna nuzulaha min 'indillahi haqqan. La croyance en fait que ces livres ont été descendus de la part d'Allah est quoi? Est une vérité. On doit croire que cela c'est une vérité. Thaniyan, al-imanu bima 'allimna wa 'allamana ismuhu. اسمه منها إني باسمه كالقرآن فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Et nous croyons donc de ce qui nous a été appris mentionné donc par le nom comme le Coran. Et Allah dit et nous avons descendu sur toi le livre qui montre clairement toutes choses et guidé et miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. التوراة qui est descendue donc sur موسى عليه السلام. Et c'est pour ça que موسى عليه السلام c'est le plus important des bénis Israël. Le fait que le livre le plus important des bénis Israël est descendu sur le prophète le plus important des bénis Israël. Il fait partie de أولول العزم من الرسول. إن أنزلنا التوراة فيها هدى والنور. Certes, donc nous avons descendu la Torah où se trouve la guidée et la lumière. Wal Injil alladhi unzila ala Isa alayhi salam. Wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur. Et nous l'avons donc descendu, c'est pour Isa, donc nous l'avons donné, octroyé l'évangile où se trouve la guidée et la lumière. Wa Zabur alladhi وتيه داود عليه السلام وأتينا داود الزبور. Donc l'évangile le Zabour qui a été donné à Daoud عليه السلام. Qui est Daoud? Le père de Suleyman عليه السلام. Et nous avons donc donné à Daoud الزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام كما قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Donc صحف les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Donc on croit en cela et on croit en ces noms comme ils existent bien. ثالثا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. Donc de mettre en pratique et d'appliquer les règles religieuses qui sont descendues dans ce livre, dans le Coran, tant que enfin, ces règles n'ont pas été abrogées. والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. Agréer et se soumettre à ces règles et à ce qui nous a été demandé, même si on comprend la sagesse, sa sagesse ou si on n'a pas compris la sagesse. Parce que certains, tant que c'est pas logique, ils disent c'est logique, alors je pratique, c'est pas logique, je pratique pas. La hikma d'Allah Azza wa Jal, elle est baliha. Hein? Elle dépasse toute chose, elle est baliha. On peut pas comprendre toutes les sagesses. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. Et tous les livres qui sont venus auparavant ont été abrogés après la venue du Coran. C'est pour ça qu'Allah dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et c'est ici مُهَيْمِنًا, donc il a pris le dessus. عَلَيْهِ. Nous avons descendu sur toi le livre en toute vérité qui donc rend véridique ce qui est venu dans leurs mains parmi les livres et qui prend en vérité le dessus dessus, donc au-dessus. Il a pris la suprématie. C'est-à-dire que le Coran est venu, les livres d'auparavant, donc ils deviennent caduques. Ils deviennent caduques. Une hakiman alayhi. C'est lui, c'est vers lui qu'on va revenir. Wa ala hada fala yajuzu al-amal bi ayy hukm min ahkam al-kutub as-sabiqa illa ma aqarra bihi al-Qur'an. C'est pour cela qu'il est interdit, là il ajoute, donc ce n'est pas permis, de mettre en pratique une règle parmi les règles des livres d'avant, sauf si le Coran l'approuve. Si le Coran l'approuve, tu peux mettre en pratique. Voilà, il ajoute ou التحاكم إلى أي شيء بأي حال من الأحوال قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. Et on peut prendre aussi les autres livres, donc pour juger. En cas de divergence. Pour n'importe quelle divergence. Hein, si minime soit-elle. Et on a dit, et si vous êtes en divergence sur quoi que ce soit, donc même sur la plus petite chose, revenez à Allah et à son envoyé. Donc revenez au Coran et à la Sunna. Au l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant, et après sa mort, donc bien sûr à sa Sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Rawahu Muslim. Par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains. Donc chaque personne de cette communauté, de cette umma, de ce monde, donc chaque humain sur cette terre, qui entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis il meurt et ne croit pas en ce que dont j'ai été envoyé, en ce que j'ai été envoyé avec, bien sûr il fera partie automatiquement des gens de l'enfer. Illa, illa kana min ashabi an-nar. Hada al-hadith sarih fi bayani anna ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ad-din nasikh lima sabaqahu wa li hada ja'a mustaminan ala kulli ma يلزمهم في الحياة الدنيا إلى قيام الساعة. Donc cela, le hadith il est clair et montre clairement ce dont est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec dans la religion vient effacer et vient rendre caduque toutes les religions auparavant. Car cette religion, le Coran donc, est venu apporter tout ce qu'on a besoin donc dans la vie d'ici bas jusqu'au jour dernier. ويأخذ بأيديهم إلى السعادة في الآخرة. Et celui donc nous prend par la main vers le bonheur de l'au-delà. إنهم يتبعوا تعاليمه وصاروا على نهجه. Si réellement ces gens-là suivraient donc ses enseignements et seraient dans sa voie. وقد تكفل الله تعالى بحفظه لتقوم الحجة به على الناس. Allah Azza wa Jal s'est porté garant de le protéger afin que ce Coran soit une preuve contre tout le monde. Contre tout le monde. Et le protège à travers l'ulama. À travers qui? L'ulama Rabbaniyun Al-Amiloun. Il le protège, il y a plein de gens qui vont le protéger. Et sachez que ceux qui protègent ce Coran, c'est ceux qui protègent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pareil. Pour ceux qui voudraient faire croire que on croit au Coran, mais on croit pas aux hadiths. Et c'est aussi une réponse pour ceux qui disent, moi je veux me perfectionner, je veux me spécialiser dans les études de l'évangile. Alors qu'ils ne connaissent rien à l'islam. Si ce n'est pas un shaitan qu'il ramène ailleurs. Il va répondre à quoi parce qu'il ne connaît pas la religion d'Allah. il veut chercher leurs défauts, bien, comment ils citent ces défauts? Certains ont fait cela, ils ont dit, vous, vous dites qu'Allah il est dans les cieux, et nous on dit qu'Allah il est partout. Donc c'est le musulman qui dit ça. Il répond aux chrétiens, vous dites qu'Allah il est dans les cieux, alors que nous musulmans on dit qu'Allah il est partout. C'est un exemple. Donc parmi les exemples. Donc comment voulez-vous pouvoir répondre à des gens si vous n'avez pas donc justement la capacité de répondre et si vous n'avez pas la science suffisante pour pouvoir répondre à ces gens-là. Si ce n'est pas votre domaine, donc vous voulez défendre l'islam et vous voulez répondre aux autres. Alors commencez déjà par être érudit dans l'islam avant de pouvoir répondre maintenant aux chrétiens dans leur dogme ou dans leur livre ou autre, dans leur croyance et dans leur adoration. On va prendre donc ici donc un pilier parmi les derniers piliers. Donc le dernier pilier c'est le Coran et le Kérim. Le Coran yani fil lugha masdar al-qira'a ka al-qira'a. Taqul qara'atu al-kitab qira'atan wa Qur'anan. Donc en vérité le Coran veut dire en vérité c'est la lecture fil lugha. On va faire l'istilah huwa kalamullah. Et dans le lexique juridique et religieux, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Al-Mu'jaz, al-Munazzal ala Rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wahyan, al-Muta'abbad bi tilawatihi. Donc, il est, bien sûr, c'est un miracle. Et personne ne pourrait arriver à faire cela. Il a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que révélation. Et lorsqu'on lit ce Coran, on adore Allah Azza wa Jalla avec. C'est une ibada. La lecture du Coran, c'est une ibada. وَهَذَا الْقُرْآنِ هُوَ الْمَحْفُوذِ فِي الصُّدُورِ. C'est lui qui est appris dans les cœurs, par cœur. وَالْمَقْرُوْ بِالْأَلْسُنِ. Et les langues le lisent, les gens lisent. وَالْكُتُوْ يَنِي فِي الْمَصَاحِفِ. C'est lui qui est مَكْتُوْ. Parce que c'est écrit كُتُوْ, c'est impossible que ce soit comme. Il manque une lettre pour le livre. مَكْتُوْ يَنِي. Sinon c'est impossible comme ça. Donc, maktoub yani fil masahif, il est écrit dans le masahif. Masahif, c'est le Coran, c'est le livre écrit. On l'appelle mashaf. Et le pluriel, c'est masahif. Wal masmou bil adhan, il est écouté. Wal manqul ilayna naqlan mutawatiran bila shubha. Il nous a été rapporté, donc, par énormément de personnes. À chaque génération, de rapporteurs de ce Coran, il y a eu beaucoup de personnes. Donc il a dépassé donc largement had tawatur. Tawatur, c'est-à-dire qu'en vérité, lorsqu'on parle du hadith maintenant, lorsqu'on parle de hadith mutawatir, c'est qu'à chaque tabaqat, à chaque donc génération de rapporteurs, ils sont plusieurs. Et là, bien sûr, il a été donc rapporté. Il y a énormément de gens qui le connaissent par cœur dans le monde entier. Le Coran ou kalam Allah Ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, kalamullah ta'ala, bilafdihi wa ma'na, par, donc ses mots, et son sens. Enfin, donc les mots qui sont là, et son sens. Munazzalun, ghayru makhluq, il a été descendu, il n'est pas créé. Wa sam'uhu minhu, wa sam'ahu minhu, Jibril alayhi salam, wa ballaghahu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jibril alayhi salatu wa sallam l'a entendu, la parole d'Allah Azza wa Jal, et il a quoi? Donner et l'enseigner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ballagahu li ashabihi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc là, bien sûr, enseigné à qui? À ses compagnons. Wa huwa alladhi naqlu bi alsinatina. C'est lui, c'est ce Coran actuel, donc, c'est-à-dire celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement celui qu'on est en train de réciter maintenant. On a tubu fi masahifina, c'est celui qu'on écrit dans nos livres. On a fadu fi sudurina, et on apprend dans nos poitrines. On a smaou bi azanina, et on l'écoute avec nos oreilles, avec notre ouïe. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, pour montrer que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ça c'est une preuve que c'est le kalam d'Allah, la parole d'Allah. Un dalil parmi les dalils. Si un des polythéistes te demande refuge, donc réfugie-le afin qu'il écoute la parole d'Allah. ولما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر القرآن يعني إلى أرض العدو لقوله زين القرآن ولقوله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتهم. Ici c'est pour montrer le nom du Coran. C'est pour dire que le Coran. C'est pour montrer ici, hadith là ici, il va montrer en réalité que le nom Coran, c'est bien un nom qui est connu. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de voyager avec le Coran dans la terre des ennemis. Dans la terre des ennemis. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, donc, embellissez le Coran par vos voix. Embellissez le Coran, donc par une belle voix. Hadith rapporté par l'imam Ahmad, il est authentique. Wal-imanu. بكل ما ذكرنا وذكرنا يعني عن القرآن الكريم واجب. La foi en tout ce qui nous a été rapporté à propos du Coran est obligatoire. كما يجب الإيمان بأنه آخر كتاب نزل من عند الله. Comme on doit croire obligatoirement que c'est le dernier livre qui a été descendu de la part d'Allah Azza wa Jalla. جاء مصدقا ومؤيدا لما جاء في كتب الله. Et il est venu donc rendre véridique et aider ceux qui étaient venus dans les livres d'Allah Azza wa Jalla. السابقة يعني les livres d'avant. من الحق ومبينا ما أدخل عليها من التحريف. Et il montre donc ce qui a été changé dans les anciens livres. Le fait que maintenant ils ont dit que Allah, إن الله هو ثالث ثلاثة et que hein, et que Isa ibn Maryam, c'est donc quoi, c'est Ibnullah. Des choses comme ça. Ça, c'est du tahrif. Wadih. Et ce qu'ils ont dit, Madan Yahoud aussi, pareil. C'est des changements qui sont clairs. Et le Coran est venu expliquer cela. كما وأنه جاء بشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان. Il est venu ici aussi avec une législation générale. Et qui est bonne. Pour tout temps. Et tout endroit. ناسخة لما سبقها من الشرائع. Elle vient effacer toutes les législations qui sont venues auparavant. واجبة على من بلغه إلى قيام الساعة. Elle est obligatoire pour tous ceux qui l'entendent jusqu'au jour dernier, jusqu'à tous ceux qui ont su que cet islam existe. لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواها بعد نزولها كما أخبر بذلك. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la religion. Donc la religion de qui que ce soit, une fois que ce livre a été descendu. Barakallahu fikum wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa ila al-ghad inshaallah. Demain c'est à quelle heure? Après 2h30 de cours. Donc 14h30. Demain donc à 14h30 inshaallah.